Ce lieu d'océan rappelle tous les vieux souvenirs de la création de Werther à Paris le 14 janvier 1893. Je revois mon cher et vieil ami Massenet, si vivant, si alerte et passionné. C'est toute ma vie, me disait-il toujours, en parlant de Werther. Je revois Carvalho, Paul Vidal, cette brave et excellente Delma, à la voix incomparable, Bouvet et tant d'autres. J'aurai 88 ans dans 3 mois, croyez-moi. C'est une émotion profonde de penser que je reste le seul survivant devant cet homme. Tes frères.